Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'Autriche-Hongrie face à l'Union européenne. Regardez le monde d'hier pour penser le monde de demain. Le 29 octobre 1918, le journal L'Excelsior titre en grosses lettres « L'Autriche-Hongrie demande la paix séparée ». L'Allemagne se trouve donc seule face aux alliés. La fin de la Première Guerre mondiale semble proche. Le 31 octobre 1918, L'Excelsior annonce la désagrégation de l'Autriche-Hongrie. Les Yougoslaves fêtent leur indépendance. L'autorité autrichienne n'existe plus à Prague. L'Europe serait-elle en train de se morceler? L'Autriche est seule, sa capitale est Vienne, une ville immense qui fut à la tête d'un empire et désormais capitale d'un petit pays. Par certains côtés, la capitale autrichienne ressemble à ses monuments. Le passé s'y conjugue au présent et l'on préfère toujours se bercer de nostalgie plutôt que de trouver des raisons d'être dans sa propre époque. Chaque pierre de Vienne est marquée du sceau des Habsbourg. Ils y ont régné sans partage durant 600 ans. Affirmant une volonté qui ne se démentira jamais, jusqu'à la chute. Vienne s'est développée en cercle autour de la cathédrale Saint-Étienne, voulue par les premiers Habsbourg. On y célébrera les obsèques de François-Joseph, dernier empereur d'une longue dynastie à laquelle l'Empire lui-même ne pourra survivre. Vienne présentée dans l'émission Itinéraire autrichien sur FR3 en 1986. Bonjour Caroline de Grotter. Bonjour. Vous auriez la gentillesse de me prononcer votre nom en néerlandais, comment vous dites-vous? Mon nom de famille en néerlandais, De Gruyter. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi, Caroline de Grotter, dans cette évocation de Vienne. Il y a plusieurs Viennes. Quelle est votre Vienne à vous? Ma Vienne à moi, c'est une ville moderne, mais qui habite encore partiellement dans le passé. Où, par exemple, l'opéra ferme chaque soir à 10 heures. Pourquoi? Parce que l'empereur, Franz Joseph, il voulait aller dormir un peu tôt, parce qu'il se levait tôt le lendemain. Donc, c'est toujours le cas. Donc, quand il y a un long opéra, on commence un peu plus tôt. De façon à ce que l'empereur puisse se oui. reposer, même s'il n'y a plus d'empereur en Autriche. Exactement, exactement. Donc l'empire est un peu partout dans la ville. Monde d'hier, monde de demain, un voyage à travers l'empire des Habsbourg et l'Union européenne. C'est publié chez Actes Sud. Quelle était votre démarche? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est très intriguant et très intéressant. J'ai habité à Bruxelles pendant 10 ans. Et puis après, j'ai déménagé pour Vienne. Et après avoir couvert pour mon journal, comme journaliste, la crise financière, la crise de l'euro, etc., quelqu'un m'a demandé, maintenant, quand tu es à Vienne, c'était en 2016, est-ce que tu penses que l'Union européenne, qui va tellement mal, hein, on parle de crise tout le temps, est-ce qu'elle pourra finir comme l'Empire des Habsbourg? Question, grande question. 2016, c'était l'année de Brexit, l'année de l'élection de Donald Trump. Il y avait un homme politique de l'extrême droite en Autriche qui porte un pistolet dans sa poche chaque jour. Il est presque devenu président et l'atmosphère était tellement apocalyptique que les gens disaient en début 2016, Marine Le Pen sera élue présidente de France et Geert Wilders, aux Pays-Bas, gagnera les élections. Donc, dans cette atmosphère-là, la question était peut-être logique. Hein? Est-ce que l'Union européenne va succomber au nationalisme comme a succombé l'Empire des Habsbourg presque 100 ans plus tôt. Donc je suis allée chercher la réponse, ça a pris du temps, parce que je suis une enfant de l'Europe occidentale, donc on regarde au futur, on parle de l'innovation, pas du passé, on regarde l'Amérique et l'Angleterre, etc. Et j'ai découvert que ce monde-là, nous ressemble un peu. Ça m'a changé un peu mon avis sur l'Union européenne. Vous venez de me dire que la Vienne, qui est la vôtre, Caroline de Gruyter, c'était cette ville riche de sa modernité, de ce qui est porté par le progrès, comme on l'a longtemps présenté, et qu'en même temps, il y a tout ce monde ancien. Dans ce regard que vous avez porté après la question qu'on vous a posée, est-ce que l'Union européenne pourrait disparaître comme a disparu l'Autriche-Hongrie, vous avez fait une enquête en fait, c'est vraiment ça. Vous êtes journaliste, vous êtes néerlandaise, il y a cette démarche d'enquête, mais plutôt vers le passé. C'est comment une enquête dans ces cas-là? C'est aller voir des historiens, des historiennes? Oui, je ne suis pas historienne et je voulais pas, si on le fait académiquement, il faut vraiment être complet. Et moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc pour répondre à la grande question, je devais plonger dans le passé. Mais en plongeant dans le passé, j'ai découvert que cet empire nous enseigne beaucoup sur le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai découvert, par exemple, que nous plaignons tout le temps en Europe de l'Union européenne. Elle est trop lente, elle est trop divisée, elle est trop complexe, personne n'en comprend rien, etc. Et j'ai découvert, par exemple, que dans l'Empire des Habsbourg, et j'ai étudié surtout les derniers 150 ans, dans l'Empire des Habsbourg, les gens se plaignaient également qu'elle était trop lente, qu'elle était trop divisée, qu'elle était trop faible et incompréhensible. Et il y avait un premier ministre dans les années 1870, un certain monsieur Taaf, premier ministre des Habsbourg, et on lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites toute la journée ?» Et il a répondu « Fortwursteln ». Alors, « kicking the can down the road »,« muddling through »,« tricoter ». Non, tricoter, bricoler. Bricoler. Oui. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui aussi. Il faut le souligner, hein, vous connaissez très bien le fonctionnement de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire que le regard que vous portez sur le passé de cet empire Habsbourg, il est avec toute cette connaissance de Bruxelles et de ce qui se passe. Exactement. Ça tricote, ça bricole à Bruxelles? Ça bricole et ça tricote. Fortwursteln, oui. On fait toujours, quand il y a un problème, il y a toujours un problème, c'est pas unique pour l'Europe, bien sûr, parce que les Américains et les Chinois ont toujours des problèmes aussi, et les Russes et tout le monde. Mais puisque l'Union européenne, c'est une entité multinationale. C'est pas un État comme l'Empire, mais elle est composée par beaucoup de nations et des groupes et des minorités, etc., qui ont des cultures différentes, qui ont des souhaits différents, les religions, des langues, des géographies différentes. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, soit à l'intérieur, soit venant de l'extérieur, comme la pandémie, hein, le virus, ou la guerre qu'a déclenché la Russie en Ukraine, ils doivent réagir. Mais tout le monde n'est pas d'accord au début. Donc tout l'exercice, exactement comme dans l'Empire des Habsbourg, il faut retrouver l'équilibre. Et c'est ça l'exercice. Et on n'arrive pas toujours immédiatement, parce que tout le monde veut des trucs différents. Donc ça prend du temps, beaucoup de temps de massage, par exemple. Et pour se mettre d'accord. Et souvent, il faut le faire en plusieurs étapes. Voilà. La recherche d'équilibre, effectivement. C'est quelque chose, dès qu'il y a un État pluriel ou une association, une union plurielle, ce besoin d'équilibre, on peut tout de suite, Caroline de Gruyter, évoquer ces différences. Parce que, bien sûr, une pluralité de cultures, de langues, de religions, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, il y a aussi cette notion de minorité brimée. C'était une question qui apparaît moins aujourd'hui dans l'Union européenne. Peut-être pas, en fait. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, l'Union européenne organise bien ces minorités, ces différences. Il n'y a pas cette revendication qu'il pouvait y avoir dans l'Empire austro-hongrois pour les minorités. Je pense notamment à tout ce monde des Balkans jusqu'en Pologne, enfin partout, les Tchèques ou les Slovaques. Mmh. Mais c'est crucial pour un bon fonctionnement d'une entité multinationale comme ça. L'Empire d'Autriche-Hongrie que vous avez étudié, Caroline de Grotter, c'est celui à partir du XVIIIe siècle, hein, principalement oui. Avec Marie-Thérèse. Vous êtes néerlandaise. C'est vrai qu'on aurait pu remonter dans le temps, parce que dans l'histoire de votre pays, il y a quand même le grand Habsbourg. Il y a Charles Quint. Pourquoi ne pas avoir remonté le fil plus loin et réfléchir à l'Empire Habsbourg, mais au sens celui de Charles Quint du XVIe siècle? Parce que ça serait un autre livre. Ça serait un autre livre. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt les derniers 100 ans, disons, en modernisant à la fin de l'Empire, les derniers 100 ans, il y avait le nationalisme qui montait, et c'est ça le parallèle avec l'Union européenne maintenant, hein, que les gens voient. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les nationalistes peuvent devenir fatal pour l'Union européenne? Et la dernière épisode de l'Empire est instructive, je trouve, parce que on voit que les nationalistes dans l'Empire, ils étaient bien présents, mais ils n'ont jamais parlé d'exit. Ils voulaient des droits sociaux, ils voulaient des droits politiques, etc. Par exemple, les Tchèques voulaient, ils se sentaient un peu opprimés par les gens qui parlaient allemand à l'époque, et ils voulaient avoir le droit de parler tchèque dans leurs propres écoles, par exemple. Il y avait, et comme ça, chacun avait ses demandes. Et ses exigences, mais il ne voulait jamais sortir de l'Empire. Donc, ce que nous avons appris à l'école, hein, que c'est le nationalisme qui a tué l'Empire, c'est pas tout à fait vrai. Ce que j'ai découvert, c'est que c'était plutôt la guerre. Pourquoi? Parce que tout l'argent et tout toute la nourriture, tout allait, tous les matériaux et allaient au front. Et la guerre allait mal dès le premier jour. Donc, peu à peu, la vie quotidienne a été complètement perturbée par cette guerre, même loin du front. Donc, les gens ne recevaient plus de salaire, toutes les réformes politiques étaient complètement gelées. Arrêté, le Parlement qui existait quand même, où tout le monde pouvait parler librement, était fermé. Il y avait beaucoup de gens qui ne sont jamais revenus. Donc peu à peu, l'État, cette entité multinationale, a arrêté à fournir de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui a fait tourner les gens vers les nationalistes, qui étaient encore là et qui n'avaient pas de réponse. Ils n'étaient pas du tout préparés pour ça. Puis l'empereur Franz Joseph, il est mort. Donc le grand symbole, un peu réunissant les gens aussi, n'était plus là. Et là, ils ont dû improviser. Et ils l'ont mal fait. Quand on lit cet épisode-là, c'est l'épisode la plus intéressante. Hein, parce que nous, pas maintenant, mais il y a 10 ans, après la crise financière, après la crise de l'euro, tous ces problèmes-là, on a beaucoup parlé de l'éclatement de l'Union européenne. Mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Hein. Personne. Je me suis toujours... j'ai toujours demandé comment ça marche. Bon, quand on n'est pas préparé, les Tchèques dans l'Empire, ils sont partis les premiers. Et ils ont essayé de garder les bonnes pièces de l'Empire, les trains par exemple. et les industries, en poussant les mauvaises pièces, donc la dette par exemple, à travers les frontières, dans les pays des autres. Et donc c'était un chaos total. Mais et là on est en 1918, hein, c'est cette fin de la Première Guerre mondiale, oui. 1918, oui. C'est la dislocation de cet empire d'Autriche-Hongrie avec la création de nouveaux pays. On est quand même dans un mouvement qui correspond plus à ce 19e siècle du printemps des peuples, du siècle des nationalismes et des nationalités, avec des identités nationales beaucoup plus fortes. On a cité les Tchèques, on pourrait évoquer les Slovaques et pourquoi pas les Italiens, parce que les Italiens, eux aussi, retrouvent cette indépendance ou en tout cas s'affranchissent d'une domination. Dans cette lecture-là que vous avez eue, Caroline de Gruyter, il y a la notion de voyage, parce que sur un territoire aussi vaste, il faut voyager. Le regard n'est pas le même quand on se situe à Vienne, près des palais, quand on se situe à Prague, à Trieste ou à Brno, là où il y avait ce château qui servait de forteresse et de détention pour tous les opposants, notamment les nationalistes. En fait, l'Autriche-Hongrie, c'est pluriel. C'est aussi la manière dont on regarde cet univers-là. On pourrait dire que c'est un peu pareil pour l'Union européenne. Mais c'est exactement la même chose. Moi, j'ai habité dans plusieurs pays en Europe et je vous dis, il faut commencer à zéro partout. On s'installe à Vienne, on n'en comprend rien. On ne comprend pas la culture, la façon des interactions humaines, les tabous, les structures, rien. Mais c'est quand même, quand on est en Chine, quand on est au Japon, c'est très facile de se sentir européen. Moi, j'habitais au Moyen-Orient quand je me suis sentie européenne pour la première fois. Mais en Europe, c'est plus difficile. C'est plus difficile de se sentir européen en Europe qu'à l'extérieur. Maintenant, ça change à cause de la guerre, je pense. On se sent, mais vraiment menacé, pressé. Donc on voit très bien tout à coup la différence entre nous les Européens et eux, par exemple les Russes qui font des choses atroces en Ukraine. Donc ça nous aide un peu. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut se sentir européen sans devoir voyager hors de l'Europe. Oui. Est-ce que vous pensez que les habitants d'Autriche-Hongrie se sentaient austro-hongrois ou alors se sentaient-ils particulièrement autrichiens, hongrois, qu'ils avaient conservé leur identité? C'est comme aujourd'hui, je pense, pour nous, c'était pas une identité singulière, mais composée de plusieurs identités, comme ça l'est pour nous. Ça dépend un peu, mais on peut parfaitement se sentir je sais pas, parisien et français et européen au même temps. Oui, c'est cette idée-là. Hein, que c'est pour eux, c'était la même chose. Les identités peuvent être plurielles. Vous l'avez constaté, vous, lors de ces voyages. Alors là, je parle de voyages non pas juste au sens de visite, mais simplement dans les différents lieux dans lesquels vous avez habité, Caroline de Gruyter. Il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique, Bruxelles, l'Union européenne, il y a Vienne, évidemment. Vous avez constaté des différences de rapport à l'Europe qui peuvent vous aider à réfléchir sur ce monde d'hier pour le monde de demain? Oui. Tout le monde a des rapports différents avec l'Europe, avec Bruxelles. Hein. Je pense que les rapports des Autrichiens, par exemple, à l'Europe, ne sont pas les mêmes que les rapports des Néerlandais. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'Europe. Et c'est comme ça qu'il faut la regarder. On a souvent la discussion sur l'Europe est très, disons, dominée par deux extrêmes. Il y a les fédéralistes pour qui il n'y a jamais assez d'Europe. Ils sont toujours mécontents et désillusionnés. Et à l'autre côté, les nationalistes qui veulent toujours moins d'Europe ou une Europe moins puissante, qui se sentent toujours déçus aussi. Mais quand on connaît un peu mieux l'Europe, on sait que les deux ont tort. Ils ont des attentes, mais exagérées. Quand on regarde bien l'Europe, on voit, par exemple, que de temps en temps, elle est très puissante, et de temps en temps, elle est nulle. Elle n'a pas de pouvoir. Par exemple, maintenant, on le voit sur la défense ou la sécurité. Mais quand on parle du commerce ou de l'agriculture, elle est très puissante. Donc, il faut regarder, je pense, la bête, mais mieux dans les yeux. C'est ça le message profond de mon livre, je pense. Il faut arrêter de rêver d'une Europe qui n'existe pas, qu'on n'aura jamais. L'Europe, c'est toujours pluriforme. Tout le monde doit se sentir à la maison en Europe. Et donc, cet état d'être un peu mi-cuit est tout ce qu'on aura. Comme c'était le cas dans l'Empire des Habsbourg. Et il faut l'accepter. On peut rêver d'une grande Europe, une puissance géopolitique, on n'aura jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, comme les Français sont ambitieux dans ce sens-là, mais il faut toujours regarder les autres parce que il faut, à la fin, toute décision est un compromis. Et il faut accepter ça, il faut commencer à comprendre ça. C'est un peu comme ce monde de l'Empire des Habsbourg que vous mettez en fait en point de comparaison oui. avec cette idée de compromis. Les Habsbourg étaient sans cesse confrontés au compromis. Oui. C'était un autre monde, c'était celui d'hier. C'est un clin d'œil, j'imagine, à Stéphane Zweig aussi. Ce monde d'hier, Stéphane Zweig, dans le cours de l'histoire. De l'Empire des Habsbourg, qui avait dominé l'Europe, s'étaient détachées depuis longtemps plusieurs provinces aussi importantes que prospères, terres allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes. La capitale avait gardé intacte son ancienne splendeur. Elle était l'asile de la cour, la conservatrice d'une tradition millénaire. Les Romains avaient posé les premières pierres de cette cité. Ils avaient érigé un castrum, poste avancé, destiné à protéger la civilisation latine contre les barbares. Et plus de 1000 ans après, l'assaut des Turcs contre l'Occident s'était brisé sur ses murailles. Ici étaient venus les Nibelungen, d'ici avait resplendi sur le monde l'immortelle pléiade des musiciens, Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss. Ici ont conflué tous les courants de la culture européenne, à la cour, dans l'aristocratie, dans le peuple, les sangs allemands, slaves, hongrois, espagnols, italiens, français, flamands s'étaient mêlés. Et ce fut le génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en quelque chose de nouveau et de particulier, l'esprit autrichien, l'esprit viennois. Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen de Stéphane Zweig, lu par Claude Dominique dans l'émission Le Passé Singulier, c'était sur France Inter. Dites-nous Caroline de Greuter, cette Vienne particulière que l'on vient d'entendre évoquer ici, ce n'est pas non plus l'Autriche-Hongrie. Il y a quelque chose de particulier dans Vienne. Vienne n'est pas l'ensemble. Vienne, c'est la capitale. C'est la capitale culturelle de cet immense empire et une des capitales culturelles européennes. C'est pas ici, j'allais dire une anomalie, mais non, puisqu'elle est sublime, que c'est un cas particulier qu'on ne peut pas étendre à l'ensemble de l'Empire des Habsbourg. Vienne était en c'était vraiment la tête de l'Empire. Hein. L'agriculture se concentrait surtout en Hongrie. L'industrie, la richesse industrielle de l'Empire s'était concentrée en Tchécoslovaquie, à l'époque, la partie tchèque. Et la capitale, mais administrative, et impérial, bien sûr, c'était Vienne. Donc, chaque partie de l'Empire avait un caractère un peu différent. Mais pour faire carrière, pour avoir de l'influence dans l'Empire, il fallait passer par Vienne. Ouais. Et on le sent encore en tout petit peu. Hein. Après l'éclatement de l'Empire, l'Autriche, ne savait pas quoi faire avec elle-même, parce qu'elle n'avait jamais existé indépendamment. Donc, elle n'a pas compris comment faire? Il n'y avait plus de raison d'être, disons. Donc c'est là qu'on a commencé à embrasser les Alpes, par exemple, et le ski. Des trucs qui n'avaient jamais fait auparavant. Juste pour trouver une nouvelle identité, ben, la première tendance était de le rattachement en Allemagne. Et les Alliés l'ont empêché, parce que les deux avaient commencé la Première Guerre mondiale, donc ils ont dit non. Donc la petite Autriche devait se débrouiller elle-même. C'est encore un tout petit peu un problème pour eux, pour les Autrichiens. 1900. Cette grande ville pleine de grandeur, mais pourquoi en fait? Ouais. Cette démesure en fait de Vienne, une capitale surdimensionnée par rapport à la tête du pays, nous sommes en 1918 et comme une évidence, il y a tous les souvenirs de l'Empire. Ce qui est plus intéressant, Caroline de Grutter, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, quand vous vous trouvez à Vienne, vous retrouvez toujours ces souvenirs de l'Empire. Le temps a passé, mais en fait, c'est toujours très présent à Vienne. Très présent. Moi et ma famille, nous avons habité. C'était une maison tout près d'un des palais construit par une famille qui travaillait pour l'empereur. Maintenant, ce sont des appartements, mais quand on entre son appartement, il y a des salles qui s'ouvrent, son corridor. Donc, où va-t-on mettre les enfants et le salon et mon bureau, par exemple, c'était comme un puzzle. Tout est en enfilade, c'est un peu comme dans les palais. Tout en enfilade, voilà. Oui. Mais aussi, on va manger quelque part et il y a sur le menu toujours le Tafelspitz. Le Tafelspitz, c'est de la viande bouillie. Et on dit toujours, mais ah oui, c'était le favori de Franz Josef, de l'empereur. Donc, partout où on va, on vit un peu dans le passé aussi. Ouais. Dans les rencontres que vous avez pu faire, Caroline de Grutter, vous l'avez ressenti ça aussi parce que dans cette enquête, et vraiment c'est cette démarche-là que vous avez en tant que journaliste, d'aller rechercher ces traces du passé, il y a ce que les gens peuvent vous dire. Ces gens-là avaient conscience de ce passé qu'ils portaient avec eux, parce que parfois on transporte ce passé sans en avoir conscience. Il y avait une fierté de ce passé impérial de Vienne. Oui, plutôt, je dirais. Ouais. Je pense on a bien compris, pas seulement à Vienne, mais dans beaucoup d'autres parties aussi de l'ancien empire, il y a une conscience que on a vraiment beaucoup perdu après l'éclatement. Hein, que on peut bien apprendre à l'école que le nationalisme c'est bien et ces gens-là ne voulaient plus vivre sous le joug d'une famille impériale, mais ça c'est de la théorie bien sûr. Les gens ont énormément souffert après, des millions ont été poussés à travers des frontières ont bougé et on rencontre par exemple partout des gens dont la famille a vécu dans la même maison, en Slovénie par exemple ou autre part, ailleurs, mais qui dans la même maison ont vécu dans quatre pays différents. Donc oui. Ça a été, donc on trouve vraiment, nostalgie c'est un grand mot, mais un peu de ça, oui, on trouve ça. On trouve ça chez tout le monde parce que il y a toute une réflexion à avoir sur qui est porteur de cette mémoire-là. Oui. Et vous avez été retrouvé ces descendants de l'aristocratie alors autrichienne le plus souvent, mais liés aussi à la Hongrie. Vous avez eu cet écho-là. Ils sont là, hein, tous ces gens, toutes ces familles, ces descendants. Ils sont encore porteurs de cet héritage. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils regardent l'Europe d'aujourd'hui un peu comme la prolongation, mais version plus moderne, de l'Empire. Ça veut dire que le caractère multinational leur plaît. Toutes ces familles étaient très européennes, hein, avant la lettre, disons. Et Otto von Habsburg, dont le fils du dernier empereur, il avait 5 ou 6 ans quand l'Empire a éclaté. Il est mort depuis quelques années, malheureusement. Donc je n'ai pas pu l'interviewer pour le livre. Mais il a bien vu que après tout le malheur qu'a souffert toute cette région pendant des décennies, l'Union européenne est une continuation de cette idée de tolérance, de compréhension, de vivre ensemble. Sans la guerre, il a dit, et peut-être il a raison, on ne saura jamais, il a dit que sans la guerre, peut-être l'Empire aurait pu survivre, mais dans une autre façon, mais bien réformé aussi. Mais on n'a pas eu le temps. Oui, il n'y a pas eu le temps. Et puis après, on n'en sait rien face à la force des mouvements des nationalités et des nationalismes avec cette figure de Otto de Habsbourg. Il faut rappeler que cette dynastie des Habsbourg, en fait, le nom n'est pas complet. Ce sont les Habsbourg-Lorraine. C'est Habsbourg-Lorraine. Ça, c'est vraiment européen. Ça nous conduit de Vienne jusqu'à Nancy. Chapelle des Cordeliers de Nancy, la princesse Regina de Saxe-Meiningen et l'archiduc Otto d'Autriche ont été solennellement unis. Une foule nombreuse de parents et de fidèles ainsi qu'une troupe de plus de 100 photographes assistait à la cérémonie qui devait s'achever par un défilé du cortège nuptial à travers la ville. L'impératrice Zita, mère de l'archiduc Otto, était entourée de toute la famille impériale, des hauts dignitaires de l'ancienne cour d'Autriche-Hongrie et des délégations venues du Tyrol et de la Carinthie. Nancy, capitale de la Lorraine, a souhaité un long bonheur aux derniers descendants des ducs de Lorraine. Le 17 mai 1951, dans les actualités françaises, le mariage de Otto de Habsbourg à Nancy. Alors oui, personnage vraiment étonnant, ce Otto de Habsbourg, parce que c'est un pro-européen convaincu. Alors, oui. On comprend bien cette logique de réflexion, de voir cette Europe centrale fragmentée, divisée. On sait ces blessures du XXe siècle, notamment après la Première Guerre mondiale, avec les déplacements de population. Il y a l'idée que l'Union européenne permet de pacifier tout ça. Il y a cette idée-là chez Otto de Habsbourg. Il a développé comme quoi l'Union européenne pouvait quelque part être un palliatif à ce qu'il aurait pu imaginer un ancien empire des Habsbourg. Oui, et il avait bien compris que chaque fois que cette idée est cassée par la guerre, par des extrémismes, par des gens qui trouvent que leur idéologie est mieux que tous les autres, chaque fois on commence à reconstruire. Hein, et lui, il a fait un grand effort aussi entre les deux guerres, par exemple. Hein, il y avait beaucoup d'initiatives pour reconstruire une sorte de vivre ensemble à l'européenne. Alors, reconnaître les différences qu'on a pour pas se tuer entre nous. Après la guerre, il a reconnu que ce que faisaient la France et l'Allemagne avec les quatre autres, était fondamental. Et il a tout de suite soutenu ça. Oui, descendant des Habsbourg. Et puis, après, dans les années 70, il y avait le Parlement européen qui est ouvert. Et lui, il ne renonçait pas à la trône, donc il ne pouvait pas avoir un passeport autrichien à l'époque. Donc, il a obtenu un passeport allemand. Et il est devenu candidate et donc député pour le CSU, les conservatives en Allemagne du Sud. Voilà. Donc il était député européen dès le début. Et pour lui, ça avait un contenu, mais historique. Oui, parce qu'il était en 1912. Donc 1912, il avait connu toute cette longue histoire. Oui. Vu aussi les drames de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi dans son imaginaire. Il est de ceux qui ont compris combien cette union, cette communauté, comme on disait alors, pouvait servir en fait à éviter tous ces drames. Et il a fait le choix donc d'être député. Oui. En tant que député, il y a un jeu qui est très drôle, en tout cas pour un destin pareil, d'être porteur de cet avenir, l'Union européenne, et de ce passé très lointain. Il en jouait aussi, il s'amusait avec ça, d'évoquer ses origines. Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu vraiment. Je l'ai vu quelquefois avec ses vestes en tweed et ses idées un peu à l'ancienne aussi. Hein. Il était très conservatif à nos yeux d'aujourd'hui. Mais comme porteur, je pense, d'une idée, mais vraiment profondément européenne. Il était très intéressant, et je pense pour tout le monde, il était très intéressant. Et son fils, Charles, prend le relais au sens où le fils d'Otto de Habsbourg est lui-même député européen. Oui, pendant pas très longtemps, parce qu'il y avait des scandales, etc. Donc, ça, c'est le problème des grandes familles. Je ne sais pas. En tout cas, c'est son problème. C'était son problème à lui, donc il n'est plus là. Ouais. Et l'autre fils, qui est aussi dans mon livre, il est aujourd'hui l'ambassadeur hongrois à Paris, hein, en France. Voilà, un Habsbourg. Georg. Dans cette histoire de lien avec un passé, il y a pour une monarchie la famille. Et on parle des Habsbourg. D'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre, hein, Caroline de Grotter. L'Empire des Habsbourg. Cette famille-là a pu ensuite se retrouver en Autriche. Hein, vous nous avez bien dit, le passeport n'avait pas été accordé à Otto de Habsbourg pendant longtemps. La famille a pu revenir. Est-ce que, quand vous faites votre enquête, quand vous discutez, il y a toujours cet attachement aux Habsbourg ? Et pas simplement à cette entité géographique qu'a pu être l'Empire austro-hongrois. Oui. J'étais à Vienne dans ma vie sociale. J'ai fait du yoga dans le quartier, par exemple. C'était pour connaître un peu mes voisins, quoi. Et une des copines de yoga, elle était en fait mariée avec un des descendants de Franz Ferdinand, qui a été assassiné à Sarajevo. En 1914. Et c'est une femme contemporaine comme moi. Mais elle n'en parle pas trop. Mais il y a encore, quand elle n'est pas là, les autres t'expliquent que oui, elle est liée à la famille, etc. Il y a encore un statut, disons. Que ces gens ont. Et c'est aussi, tout le monde le sait. C'est pas vraiment prononcé et on n'a pas vraiment des bénéfices. Mais socialement, ça compte un tout petit peu. Alors, vous êtes en train de faire votre enquête, Caroline de Grotter. Toujours cette question qu'on vous a posée en 2016. Est-ce que l'Union européenne risque de s'effondrer comme s'est effondré en 1918, l'Empire d'Autriche-Hongrie? Donc, comment vous l'avez construit, votre livre? Il y a un côté très balade aussi. On vous suit en train de marcher dans la ville. Oui. Écoutez, j'avais du mal parce qu'il y a tant de niveaux dans mon livre. Je ne voulais pas en faire un livre académique. Vraiment historique, parce que c'était pas ça ce qui m'intéressait, c'était l'Europe d'aujourd'hui qui m'intéresse, et je pense que ce passé des Habsbourg peut éclairer un peu ce que nous sommes en train de faire en Europe aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas énumérer toutes les parallèles entre les deux et puis toutes les différences. Il faut être exhaustif quand on le fait dans une façon académique, mais je ne voulais pas faire ça. Donc, comment faire? La recherche d'une structure m'a coûté beaucoup de temps. Et un jour, j'avais cassé mon pied, donc je ne pouvais plus marcher pendant 2 mois. Il y avait les lockdowns pendant la pandémie, donc j'étais coincée, j'habitais à Oslo à l'époque, donc loin de tout. Donc je me suis mis à écrire avec des pièces comme une mosaïque. Donc j'ai complètement improvisé et j'ai pris les lecteurs un peu dans la main. Donc je m'installe à Vienne, qu'est-ce qui se passe? Et où vais-je? Avec qui parle-je? Et comment mes expériences à Bruxelles me viennent à l'esprit en parlant, par exemple, au grand-fils de Franz Ferdinand, qui était un vieux monsieur que je regardais bouger lentement dans la rue. Jusqu'à un jour, un des voisins me racontait « Mais c'est lui, c'est le grand-fils, il est encore vivant !» Donc, oui, j'essaie de prendre un peu les lecteurs à la main, de poser des questions moi-même sur les liens entre les deux entités, les deux constructions européennes, et sans répondre. Par exemple, ce que je trouve très intéressant, c'est la Hongrie, la position des Hongrois qui était très, très, très... Je ne savais pas ça. Ils sont très difficiles maintenant en Europe, les Hongrois, avec toutes leurs demandes et exigences. Mais ils se comportaient exactement dans la même façon dans l'empire des Habsbourg. Et je ne savais pas ça. Donc, ils ont beaucoup obtenu en étant mais très, très difficile. Mais peut-être ils ont trop obtenu. Est-ce que ça peut nous arriver aussi, hein? Je pose ces questions sans nécessairement les répondre. Je pose aussi la question, est-ce que l'Union européenne est un peu un empire aussi, hein? Qu'est-ce que c'est un empire? Donc, je vais... Et je viens entre les deux un peu, tout le temps, librement. Entre le monde d'hier et le monde de demain, c'est le titre de votre ouvrage, avec, quand il est question de la Hongrie, un personnage important dans cette histoire-là, qui fut à la fois impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, Sissi, impératrice. Madame de Bellegarde, que désire votre majesté? Faites entrer mon professeur de hongrois, cela me changera un peu de ce texte poussiéreux. Votre Majesté fait des progrès surprenants. J'ai pensé, pour agrémenter notre leçon, qu'au lieu de faire de la grammaire, nous ferions un peu d'histoire, qu'en dites-vous? Je ne demande pas mieux. Qu'est-ce que vous m'avez encore apporté aujourd'hui? Une surprise, Majesté. Des gravures de mon pays. La magnifique Pousta, qui s'étend à perte de vue, avec ses troupeaux de moutons et ses bœufs sauvages. Comme c'est joli. Et celle-ci, c'est l'ancien château fort des rois de Hongrie. Abandonné, hélas, depuis des siècles. Quand la Hongrie retrouvera-t-elle un roi? Un roi qui saura nous rendre nos anciennes libertés. Vous pouvez être sûr que j'userai de toute mon influence en faveur de votre pays. Je ne sais pas pourquoi, mais cette Hongrie où je ne suis encore jamais allée, je l'aime déjà avant de la connaître. Tout m'attire vers elle, comme une seconde patrie. Elle aussi vous aime, Majesté. Romy Schneider dans Sissi impératrice, le film de Ersten Marischka en 1956, avec une vision évidemment fantasmée. On sait bien que c'est de la reconstruction complète, une relecture de l'histoire de ces Hongrois qui s'associent joyeux et fiers. Ouais. 1867, c'est cette association entre l'Autriche et la Hongrie qui deviennent l'Autriche-Hongrie. C'est intéressant dans cette démarche-là, Caroline de Gruyter, de réfléchir à l'actualité, la position hongroise aujourd'hui, et on sait combien le populisme est fort en Hongrie, avec ce qui est évoqué ici, mais d'une manière complètement différente, de montrer une spécificité hongroise qui a du mal à s'intégrer. En fait, il y a comme un jeu intellectuel avec ce va-et-vient entre le passé et le présent. Vous trouvez beaucoup de similitudes comme ça, mais je le dis bien, en jeu intellectuel, les contextes sont très très différents. Oui. Bah, ça dépend un peu où on regarde, hein. Mais pour revenir à la position de la Hongrie, ça dit tout que Sissi, hein, l'impératrice qui venait de Bavière, elle était donc jeune épouse de Franz Joseph. Elle était considérée par les Viennois, mais culturée comme tout. Elle était regardée un peu comme cette fille de la Provence. Hein. Elle n'a jamais su plaire l'élite de Vienne. Et après quelques années, elle a arrêté d'essayer même. Donc, elle n'était jamais là. Elle ne voulait plus mettre pied à Vienne. Donc, elle était tout le temps en Hongrie. Et les Hongrois qui partageaient un peu ce sentiment, hein, que les Viennois sont des snobs et ils n'acceptent que eux-mêmes. Ils ont accueilli l'impératrice les bras ouverts. Donc elle était souvent là, en Hongrie, où elle se sentait mieux comprise. Elle était en Grèce, souvent en Angleterre, mais pas à Vienne. Et c'est drôle de maintenant, quand on arrive à Vienne, bah, tout s'agit sur elle. Hein. Elle est un symbole du tourisme autrichien. Donc c'est un peu sa revanche à elle. Ah oui, c'est devenu une icône complètement commerciale en plus. Mais oui. Elle fait vendre énormément. Oui. Si. Et dans mon livre, il y a l'ambassadeur hongrois à Oslo qui m'explique que oui, nous sommes comme ça, les Hongrois. Nous avons jamais senti à la maison dans cet empire des Habsbourg. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'Union européenne. Et on peut dire, mais vous avez accepté toutes les conditions, c'est vous qui avez voulu être membre de l'Union européenne. Elle dit oui, mais quand il y a une réunion en Europe, il y a toujours ceux qui parlent allemand qui se mettent un peu ensemble. Ceux qui parlent français aussi. Ah, bonjour, comment ça va? Nous nous sentons toujours exclus. Il n'y a personne qui parle notre langue. Et ça nous met un peu à part. Et je ne sais pas si elle a raison ou non, mais elle explique comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que c'était exactement la même chose à l'époque dans l'Empire. Il est certain que le hongrois, en plus, étant une langue tellement particulière, oui, par son histoire, oui, toute cette question-là, du monde d'hier, du monde de demain, disons-le autrement, de l'Empire des Habsbourg ou de l'Union européenne, c'est une question, en fait, d'identité, où l'on se reconnaît. Et on sent bien qu'il y a tout ce travail des Habsbourg, et quand on citait le cas de Sissi, il y a ce travail de donner aux Hongrois le sentiment qu'ils appartenaient à cet ensemble. L'Union européenne fait aussi ce travail. Alors, après, sur l'efficacité et la réussite, c'est autre chose. Mais c'est ça, c'est convaincre que l'on fait partie du même ensemble. Et c'est pour ça exactement qu'il faut écouter tout le monde. Bien, on a quelques principes, c'est sûr. Mais pour le reste, il faut bricoler. Il faut écouter tout le monde. La bureaucratie dans l'Empire des Habsbourg est construite à la fin du 18e siècle, par l'impératrice Marie-Thérèse. Pourquoi? Parce que elle vient au pouvoir et tous ses grands voisins prenaient des morceaux de son empire. Hein, elle n'est pas puissante, on va lui montrer qui a la puissance ici. Donc, elle s'est rendue compte dans un empire composé de beaucoup de nationalités, etc., et des groupes, qu'il fallait traiter tous ces groupes mais au mieux possible. Donc elle a établi l'éducation, mais vraiment des écoles, dans tous les coins de l'empire. De la justice partout. Parce qu'elle a compris, quand on traite bien tous ces groupes et nations, ils seront loyaux. Ils restent dedans. Et parce que à les frontières extérieures, il y a toujours de l'osmose à travers. Donc, si on veut garder tout le monde dans le même bateau, il faut les écouter, il faut que leur voix compte un tout petit peu dans toutes les décisions. Et c'est ça l'idée c'est jamais parfait, mais qu'on utilise aujourd'hui dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que toutes ces décisions sont tellement longues et incompréhensibles, parce que tout le monde veut une extension ici ou une dérogation là-bas. Mais ça semble difficile à comprendre, mais c'est, je pense, le secret de l'existence de l'Union encore. C'est long et c'est loin. Oui. Caroline de Gruyter, vous insistez sur ce point-là, dans cette comparaison, je le dis bien, un jeu intellectuel entre l'Empire des Habsbourg et l'Union européenne, c'est que d'un côté, mais même dans la formulation, il y a une incarnation alors symbolique, que ce soit une impératrice ou un empereur, sur un territoire. Et puis de l'autre côté, il y a une union de peuples. Et étonnamment, c'est la volonté des peuples qui est souveraine, mais elle est beaucoup plus floue. Et ça fait une différence d'adhésion. C'est beaucoup plus dur d'adhérer à quelque chose de flou, même si oui. c'est porté par d'immenses et de sublimes valeurs, que cette idée de Habsbourg. C'est beaucoup plus simple à dire, d'ailleurs. Oui, mais même ça change un tout petit peu, je pense. Pendant longtemps, l'Union européenne, c'est un projet politique, c'est clair. Hein. Mais on l'a quand même un peu oublié. Hein. C'était un grand marché c'est comme ça que moi, à l'école, j'ai appris que l'Union européenne, c'est un marché. Bon, mais comme je pense que Jacques Delors ou Jean Monnet a dit, on ne peut pas aimer, hein, s'identifier avec un marché. Ça ne marche pas. Et maintenant, l'Union est devenue, à cause de la guerre en Ukraine, et des crises mais profondes qu'on a traversées, elle est devenue plus politique. Hein. La guerre nous rappelle de la raison d'être de cette Union européenne. Plus jamais ça. Hein. Plus jamais des guerres en Europe. Donc ça nous réunit. Et je pense que quand on regarde aussi les sondages maintenant, les gens ont vraiment plus qu'avant l'idée qu'ils appartiennent à l'Europe. Il y a même les populistes qui ne veulent plus sortir, mais ils veulent rester dans l'Union européenne et le changer de l'intérieur. Ça veut dire qu'ils sautent sur le podium de la politique européenne. Et c'est peut-être très dangereux, mais c'est aussi intéressant parce que jusque-là, ils l'ont fait seulement sur le podium national. Hein. Donc, ils amènent toutes leurs émotions. Donc, ça rend la politique européenne beaucoup plus intéressante pour les gens. Et concrète, oui. On parle de la sécurité, on parle de la santé, on parle des trucs européens qui, auparavant, n'étaient pas européens. Et oui, donc ça devient un peu plus, et aussi les dirigeants de l'Europe, donc pas des dirigeants nationaux, mais aussi les dirigeants européens, ils sont mieux connus qu'avant. Je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait le président de la Commission, M. Prodi, en italien. Je l'ai vu une fois chez IKEA. Personne ne l'a reconnu. Personne. Maintenant, si on laisse Ursula von der Leyen dans l'IKEA à Bruxelles, je suis sûre que au moins la moitié des gens dans le magasin vont la reconnaître. Donc les choses ont quand même un peu changé. Ils vont lui demander de bricoler. C'est pas une famille impériale, mais ça, je pense, personne ne veut. Hein. Ah non, ça, on est bien d'accord. Pour terminer, Caroline de Gruyter, quelle est la réaction des gens, et notamment à Bruxelles, quand vous leur parlez de l'Union européenne et de l'Empire des Habsbourg? Vous voyez, on dit, voilà encore Caroline de Gruyter avec ses Habsbourg et l'Union européenne. Quelle est la réaction? Les gens vous disent, intéressant, j'y avais pas pensé ou... Oui, plutôt. Oui. Plutôt, ils trouvent ça intéressant. Oui. Non, ça. De temps en temps, à Bruxelles, il y a tant de choses à faire. Maintenant, les gens bossent. Et il y a très peu de recul. Hein, parce que les États membres, ils demandent de plus en plus l'Europe. Et il faut le fournir. Il faut faire des propositions, des décisions, etc. Et donc, un peu de réflexion de temps en temps, je pense, est bienvenue. La réflexion, c'est toujours bienvenue. Et le jeu intellectuel, réfléchir au passé pour comprendre le présent, c'est toujours bienvenue. Un voyage, c'est un bon choix de vocabulaire dans votre sous-titre. Un voyage à travers l'Empire des Habsbourg et l'Union européenne. Un livre qui a été traduit du néerlandais par Olivier Van Merskot. publié chez Actes Sud. C'est Le Monde d'hier, Monde de demain. Merci beaucoup, Caroline de Gruyter. Et maintenant, dans le cours de l'histoire, on retrouve Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la couleur de peau de Cléopâtre n'a pas d'intérêt pour l'histoire? En 2020, pour jouer le rôle de Cléopâtre dans le film qu'elle préparait et qui n'a finalement pas vu le jour, la réalisatrice Patty Jenkins avait sollicité l'actrice Gal Gadot. On lui avait alors reproché, sur les réseaux sociaux, d'avoir choisi une actrice blanche. Le documentaire Queen Cléopâtre, diffusé par Netflix en mai 2023, a alimenté le même genre de reproches, mais en sens inverse, car c'est une actrice noire, Adele James, qui interprète le rôle de Cléopâtre. La bande-annonce affirme que le documentaire est fondé sur des reconstitutions et des témoignages d'experts. Mais la productrice du film, Jada Pinkett Smith, a défendu le projet en disant « Nous n'avons pas souvent l'occasion de voir ou d'entendre des histoires de reines noires. Voilà pourquoi elle a voulu valoriser des figures historiques féminines qui étaient puissantes et qui représentaient la colonne vertébrale des nations africaines. » Cette racialisation du personnage du Cléopâtre a suscité de vives protestations. Une pétition, signée par plusieurs dizaines de milliers d'internautes, a circulé pour s'opposer à la diffusion de ce documentaire. En Égypte, un avocat a même lancé une action en justice, en ce sens, afin de préserver l'identité nationale et culturelle égyptienne. Un archéologue égyptien a accusé Netflix de prétendre que l'origine de la civilisation égyptienne serait noire, alors que selon lui, Cléopâtre était grecque, ce qui signifie qu'elle était blonde, pas noire. On a là un bon exemple qui montre comment la recherche historique est prise en otage pour servir les polémiques politico-médiatiques incessantes que nourrit aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler la question raciale. La puissance de l'industrie médiatique est devenue telle qu'elle diffuse massivement dans le monde entier une vision hollywoodienne de l'histoire qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui permet d'alimenter des polémiques conçues comme des arguments publicitaires. Les historiens qui ont travaillé sérieusement sur l'histoire de cette célèbre souveraine d'Égypte ont montré que son ascendance macédonienne était le seul fait établi, puisqu'elle était la descendante de Ptolémée Ier, officier macédonien d'Alexandre le Grand, devenu roi de l'Égypte et d'une partie du Proche-Orient méditerranéen après la mort du conquérant à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais comme nous ne savons pas précisément qui était sa mère, Cléopâtre eut peut-être aussi des ancêtres d'ascendance juive, arabe, voire thrace, étant donné la multitude des groupes ethniques présents à Alexandrie à son époque. La question de savoir si elle était blonde ou noire n'a donc aucun intérêt. Celles et ceux qui veulent absolument racialiser Cléopâtre occultent une réalité que les historiens sont unanimes à souligner. À l'opposé de ces logiques d'assignation identitaire, Cléopâtre assumait une double identité politico-culturelle. S'appuyant sur une double légitimité gréco-pharaonique, elle affichait publiquement ses deux facettes en fonction de ses intérêts politiques. Le plus important, ce n'est donc pas la couleur de peau de Cléopâtre, mais son identité métissée, liée au fait qu'elle a régné sur un royaume multiculturel. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Daphné Leblon, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoscan Viudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwen Guizhou et Violette Ruiz. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr. Et sur l'appli Radio France.